Exercice 12, page 153. Madeleine marche lentement. Elle veut s'acheter un nouvel ensemble, veste et jupe, genre femme d'affaires. Quelle couleur choisir ? Le bleu royal la ferait-il paraître plus jeune ?